السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شكرا الله عز وجل. On va continuer aujourd'hui, inshallah, l'explication de l'épître, les quatre règles, de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Explication faite par Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. On est arrivé par rapport au tafriq que vous avez certainement en devant vous en arabe, des cours audio de Cheikh al-Bukhari. On est arrivé à la page 27 où il dit « يقول الإمام القيم رحمه الله مدار هذه العبادة على 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. قال وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، أي الخمس، أي الأحكام خمس وخمس وخمس، صارت كم؟ 15 قاعدة مدار، أو قاعدة مدار العبادة، من كملها كمل العبودية. أنت لا تبحث في أدنى درجات العبودية، ابحث عن أكملها. انتهى كلامه رحمه الله من المدارج، أي مدارج السالكين. الإمام ابن القيم رحمه الله قال لي فاس ميزيكورد لدي cette adoration tourne autour de 15 règles. Celui qui les accomplit aura complété les degrés de l'adoration. Il dit, et l'explication de cela est que l'adoration se partage entre trois choses. Ici il dit le cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est le cœur et la langue et les membres. Et les jugements de l'adoration sont au nombre de 5. On a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs de nos cours, c'est obligatoire, on les avait même définis, le wajib, obligatoire, préférable, mustahab, illicite, haram, détestable, makruh, illicite, mubah. Et donc, ces jugements sont pour chacun. Donc, ces 5 jugements sont pour chacun des 3 qu'on vient de citer. Le cœur, la langue et les membres, c'est-à-dire les 5. C'est-à-dire les jugements, les jugements sont 5 et 5 et 5. Ça fait combien donc? Il dit le shirk, ça fait 15. La règle de autour duquel tourne l'adoration, celui qui l'accomplit aura complété l'adoration. Le shirk, il dit, Cheikh Abdul Bukhari, il dit, Hafidahullah, toi ne cherche pas les degrés les plus bas de l'adoration, cherche-en les plus complets. Fin de citation de Madarij al-Salikin, fameux livre de Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui a été publié en 3 volumes. Et une faïda que je vous donne chez Cheikh Mustafa Mabram, il rapporte de son cher Cheikh al-Fawzan, que Cheikh al-Fawzan ne conseille pas aux débutants de lire ce livre, Madarij al-Salikin. أقول وظائف الشرع من الصلاة والزكاة والصدقة والحج والصوم ونحوها، من هذه الأمور تسمى، هذه الوظائف المكلف بها العباد تسمى عبادات، أليست كذلك أو أليس كذلك؟ لماذا سميت بالعبادات؟ سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها على أي وجه هم يفعلون. أنت عندما تصلي وعندما تتصدق وعندما تحج وعندما تصوم إلى غير ذلك، أنت تلتزم هذا الفعل وتقوم به خاضعا لله، أليس كذلك؟ دليلا منكسرا راغبا فيما عند الله راهبا منه جل وعلا، أليس كذلك؟ دونك الشيخ حفظه الله تعالى il dit, je dis, c'est-à-dire Cheikh Abdul Bukhari qui parle, les tâches de la législation telles la prière et la zakat et l'aumône, et le hajj, et le jeûne, et autres parmi les tâches, ces tâches qui incombent aux serviteurs d'Allah sont appelées actes d'adoration, n'est-ce pas? Pourquoi ont-elles été appelées actes d'adoration? Les tâches de la législation qui incombent à ceux qui sont responsables de leurs actions, le mukallafun, sont appelées actes d'adoration car ils s'en acquittent et les mettent en pratique. De quelle manière les mettent-ils en pratique? Toi, lorsque tu pries, et lorsque tu donnes une aumône, et lorsque tu effectues le pèlerinage, et lorsque tu jeûnes, etc. Toi, tu t'acquittes de cet acte et tu les mets en pratique par soumission à Allah, n'est-ce pas? Humble et soumis, désirant ce qu'il y a auprès d'Allah et par crainte de lui, n'est-ce pas? Puis le cheikh, il continue, il dit, قول الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مخلصا له الدين أي أن المرء يقصد بفعله للعبادات وجه الله لا يريد بذلك حظا ولا رياء ولا سمعة لا يقال متنسك ولا يقال كذا ولا يقال فلا تعبد الله إلا مخلصا له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا في بيان مهم قول الشيخ رحمه الله مخلصا له الدين فيه بيان مهم وهو أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. Donc Cheikh il dit, حفظه الله تعالى, Cheikh al-Bukhari il dit, la parole du Cheikh, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله, qu'Allah lui fasse miséricorde, en lui vouant une adoration sincère, un culte exclusif. C'est-à-dire que l'individu a l'intention, dans sa mise en pratique des actes d'adoration, de le faire pour Allah. Et il ne cherche pas par cela une portion, un hadhan, c'est-à-dire parmi les choses de ce bas monde, et ne le fait pas par ostentation. Encore une fois ici, c'est quelque chose sur lequel j'attire l'attention souvent dans les cours. Le mot ici, ostentation, c'est un mot en français. Mais en arabe, le cheikh, il a utilisé deux mots. Il a dit ria'an wa sum'a. Il a dit ria'an wa sum'a. Hein? Donc, il faut faire la différence. Ria'an, on a déjà dit, c'est l'ostentation, pardon, dans ce qui est vu parmi les actions. Donc c'est lié à la vue. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Riya. Et Sum'a, c'est l'ostentation qui est dans ce qui est entendu parmi les actions. Et donc c'est lié à la, à l'ouïe. D'accord? Retenez ça, Riya wa Sum'a. Et puis Cheikh dit, et pas pour qu'on dise de lui qu'il est un adorateur pieux, ni pour qu'on dise ceci, ni pour qu'on dise. Et donc tu n'adores Allah qu'en lui vouant une adoration sincère, un culte exclusif. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyinah, verset 5. Et le cheikh il dit, cheikh Abd al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, et il y a en cela une clarification importante. La parole du cheikh, en lui vouant une adoration sincère, un culte exclusif, et il y a en cela une clarification importante, et c'est que l'adoration n'est acceptée qu'avec deux conditions. Les ulama, ils appellent ça sharta qabulil ibada. Les deux conditions d'acceptation d'une adoration. On dit shartan en arabe, hein, shartani, salam. Shartun wahid wa shartani isnani. Mais ici, le nun il est parti pour hudifa lil idafa. Sharta qabulil ibada. Sharta, qaboul, c'est une règle dans la langue arabe, dans la grammaire. D'accord? Sharta, qaboul, l'ibada. Les deux conditions d'acceptation de l'adoration. Ces deux conditions doivent être connues de vous. C'est quoi? C'est l'ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et le suivi. Donc la première de ces conditions, shartul awwal, ay, min shartay qaboul, l'ibada. Les deux conditions qui doivent se retrouver dans une adoration, et les deux doivent se retrouver, même si une l'est et l'autre ne l'est pas, l'adoration n'est pas acceptée. On va le voir dans un instant, inshallah. Mais quelles sont ces deux conditions qui doivent se retrouver dans une adoration pour qu'elles soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, c'est l'ikhlas, et c'est donc la sincérité, la première, et la deuxième, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, al-mutaba'a. Donc, je redis, l'awal l'ikhlas, al-thani l'mutaba'a l'innabi, alayhi salatu wassalam. فإذا اختل الإخلاص صار العبادة ماذا؟ شركا أليس كذلك؟ وإذا اختلت المتابعة صارت العبادة بدعة. Et donc si la sincérité est manquante, alors l'adoration devient une association, n'est-ce pas? Et si le suivi est manquant, alors l'adoration devient une innovation religieuse. Puis il cite encore Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كما أنه إله واحد لا إله لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له هو إله واحد سبحانه كذلك العبادة لا يجوز أن تكون إلا له فكذلك ينبغي أن أي ينبغي أي يجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية سبحانه فالعمل الصالح يسلمي هو مش بسكسي هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى كلامه رحمه الله et puis le cheikh dit واضح il y a toujours un alif qui manque vous avez remarqué dans واضح ici Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde dit dans الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي c'est un livre qui est connu comme Al-Jawab Al-Kafi. Il dit, Rahimahullah, comme il, c'est-à-dire Allah, est la divinité unique et qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui, alors il convient, et on va voir plus tard qu'il convient, ça veut dire il est obligatoire, il convient que l'adoration lui soit vouée à lui seul sans lui donner d'associé. D'accord ? Il est la divinité unique et de même l'adoration ne peut être vouée qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. De même, il convient, Cheikh l'explique, il dit il convient, yenbari, ça veut dire yajib, c'est-à-dire il est obligatoire que l'adoration lui soit vouée à lui seul sans lui donner d'associé. Vous savez, quand on dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, vous savez qu'est-ce que wahdahu fait et qu'est-ce que la sharika lahu fait, vous savez ça ou pas? C'est un tawkid. C'est-à-dire que dans la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il y a? Une affirmation et une négation. Il y en a un qui vient appuyer, faire un tawkid de l'affirmation et l'autre qui vient faire un tawkid de la négation. Wahdahu la sharika la. On continue. De même, il convient, c'est-à-dire il est obligatoire que l'adoration lui soit vouée à lui seul sans lui donner d'associé. Comme il est la seule divinité, là on a parlé d'Ibn Qayyim rahimahullah, comme il est la seule divinité, il est obligatoire qu'il soit adoré seul, de manière exclusive, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. L'action vertueuse est celle qui est quoi? On a déjà dit, l'amal salih, c'est-à-dire qui est pure de toute ostentation, et conditionnée par la sunnah. On avait déjà expliqué ça dans un des cours de Cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'on avait expliqué la dua qu'on dit le matin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala dans certaines riwayats. Hein, une action acceptée dans certaines riwayats, c'est une action quoi? Vertueuse. Et donc l'action vertueuse, c'est l'action qui est acceptée. Et Cheikh l'avait expliqué justement que pour qu'elle soit acceptée et qu'elle soit vertueuse, il faut qu'il y ait ces deux conditions-là. D'accord? Il y a plusieurs riwayats. On a dit l'action vertueuse est celle qui est pure de toute ostentation et conditionnée par la sunna. Phase des citations d'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh dit, est-ce clair? Puis le cinquième et dernier angle sous lequel on voyait cette partie du texte, et on va voir qu'aujourd'hui, inshallah, on va finir toute l'introduction jusqu'au moment où on arrive à l'qaïd al-oula, et puis on ne va pas rentrer dans l'qaïd al-oula. Inshallah, on va laisser ça pour le cours prochain. الوجه الأخير الخامس لتعلم أي العبد المحب أن الله عز وجل خلق الثقلين لتحقيق هذه العبادة العظيمة ألا وهي الحنيفية ملة إبراهيم أو ملة إبراهيم وأمر الثقلين بالقيام بها قال الله عز وجل أمر الثقلين. C'est ça le problème de Tafriq. J'aurais peut-être dû écouter l'audio avant de faire la traduction, mais j'ai pas eu le temps. Qaddar Allah, Mashallah fa'al. Amar al-thaqalain, ou bien ce serait Umir al-thaqalan. Umir al-thaqalain ibn al-qiyam biha, qala Allah azza wa jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Idan min hada ta'lamu wa tudriku al-hikmata shar'iyata al-diniyata fi khalqillahi lihada al-khalq. Law sa'altuk, ma hiya al-hikmata shar'iyata al-diniya fi khalqillahi lil-thaqalain, bimada tujib? تحقيق العبودية لله وإفراده جل وعز بماذا وما الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره معنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه وعذبه أشد العذاب وأخبره أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. Le cinquième et dernier angle, sache ô toi le serviteur qui aime qu'Allah a créé الثقلين. En arabe, الثقلان, c'est-à-dire les djinns et les hommes, afin de concrétiser cette adoration de grande importance qu'est le hanifiyya. On avait déjà expliqué d'où vient le mot hanifiyya, que ça vient de l'hanaf. Le contraire de l'hanaf, c'est quoi? Al-Janaf, on avait déjà expliqué tout ça en détail. Revenez au cours précédent, Inch'Allah, si vous avez oublié. La religion d'Ibrahim, Abraham, et il a commandé au Thaqalayn de s'en acquitter. Et Allah a dit, selon la traduction du sens est, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Donc à partir de cela, tu sais et tu comprends la sagesse en termes de législation et de religion quant au fait qu'Allah a créé cette création. Si je venais à te demander, quelle est la sagesse en termes de législation et de religion quant au fait qu'Allah a créé Thaqalayn, les djinns et les hommes, quelle est ta réponse? La concrétisation de l'adoration d'Allah et de le vouer à lui seul quoi? Et quelle est la preuve? Allah dit, selon la traduction du sens est, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Par rapport au tafsir de ce verset, l'imam Ibn Kathir, le grand savant, Mufassir du Coran et exégète du Coran, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, il a dit, le sens du verset est qu'Allah a créé les créatures afin qu'elles l'adorent à lui seul, qu'elles l'adorent lui seul, sans lui donner d'associés, et donc quiconque lui obéit, il le rétribuera de la rétribution la plus complète, et quiconque lui désobéit, il le châtiera du châtiment le plus sévère. Et il a informé qu'il n'a pas besoin d'eux, mais de plus qu'ils sont les indigents ayant besoin d'Allah dans toutes leurs situations. Et il est leur créateur et leur pourvoyeur. Khaliquhum wa raziquhum, exalté soit-il. Maintenant, on arrive à la dernière partie de l'introduction du matn, d'accord? Je ne sais pas si quelqu'un veut réciter. Tu veux réciter cette partie-là? Tu commences à Fa'ida Arafta? C'est laquelle? Quelle partie? Si tu veux réciter depuis le début, c'est plus facile pour toi, vas-y. Ah, moi je connais que le début. Hein. Ici on est arrivé aujourd'hui, on va faire فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. C'est parti là, qui veut la faire? Non. T'as étudié ce qu'on a fait avant? C'est bien, alhamdoulilah. Tu feras cette partie pour la prochaine fois. Quelqu'un veut se lancer? Vas-y, tfadala. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا عرفت أن العبادة لا فإذا دخل الشرك في العبادة فأفسدها كالحدث إذا أدخل فسدت كالحدث إذا أدخل إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا دخل العبادة إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن ينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله كما قال تعالى إن الله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. D'accord, Allah Ta'ala fi kitab. Vous avez dans le matn, vous avez étudié dans ces feuilles-ci ou pas? Non? Parce qu'ici vous avez vu, il est dit Ida khalata al-ibadati. C'est l'ibadata, hein? D'accord? Ouais, ça va? Quelqu'un d'autre veut réciter? C'est pas obligatoire, mais c'est bien. Quelqu'un veut réciter? Personne? Et comme ça on continue. Quelqu'un? Personne? Prochaine fois, Inch'Allah, ça va. On continue donc, le frère Zallah Khairan, il a récité ce passage, on le lit quand même. Al-Matn, قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc on traduit déjà cette partie. Il, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité, comme la prière n'est appelée prière qu'avec la purification. Et donc si l'association entre dans l'adoration, elle est corrompue, comme le hadath lorsqu'il entre dans la purification. Et Cheikh Khalid Abdurrahman, il dit ici, regardez comment Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a été précis. Il n'a pas dit l'oudo. Il a dit la purification. Parce que la purification peut se faire avec le wudu ou autre chose que le wudu. D'accord? Et donc si tu sais que si l'association se mélange à l'adoration, elle la corrompt et annule l'action, et que celui qui commet cela devient alors du nombre de ceux qui sont voués à l'enfer éternel. Alors tu sais que ce qui est le plus important pour toi, c'est de savoir cela dans l'espoir qu'Allah te sauve de ce filet qui est l'association à Allah, au sujet de laquelle Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat Nisa, verset 116. Et cela en connaissant quatre règles qu'Allah le Très-Haut a citées dans son livre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Inch'Allah? On va rapporter l'explication de Cheikh al-Bukhari de ce passage. On va le traduire, Inch'Allah aussi. On va la traduire. Et puis, on va s'arrêter là avant de rentrer dans les quatre règles, Inch'Allah. Donc, Cheikh Abd al-Bukhari, il dit: الشرح هنا يقول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم. الكلام على هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول في قوله خلقك الله لعبادته، سبق بيان معنى العبادة وأن لها مفهوما عاما ولها مفهوم خاص. واضح؟ Donc, Cheikh dit l'explication donc de Cheikh al-Bukhari, ici le Cheikh, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, il dit: si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache. L'explication de cette partie est sous plusieurs angles. Le premier angle: dans sa parole, Allah t'a créé pour l'adorer. L'explication du sens de l'adoration a précédé, on l'a déjà vu dans le cours précédent, et qu'elle a un sens général et un sens spécifique. Essayez de retenir ces sens-là et de les mémoriser. Est-ce clair? Le Cheikh dit le deuxième angle, الوجه الثاني. ذكر الشيخ هنا مثالا حسيا من باب التقريب للمثال المعنوي. فقال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. واضح؟ Donc deuxième angle, ici le Cheikh a donné un exemple matériel, concret, afin de rapprocher le sens de l'exemple immatériel, si vous voulez, donc abstrait. Alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité, comme la prière n'est appelée prière qu'avec la purification. Est-ce clair? Et donc il a cité ici l'exemple afin de rapprocher le sens. Et c'est que l'association annule l'action, comme le hadith annule la purification. Et donc quiconque commet quelque chose parmi les genres d'association, son islam et sa religion sont nuls. Comme celui qui commet l'un des annulatifs de la purification, comme l'émission d'un vent, etc., qui annule la purification. Et la raison de cela est que l'association est le péché le plus grave par lequel Allah est désobéi. Cheikh il dit ici: فَهُوَا ذَكَرَ الْمِثَلْ هُنَا مِنْ بَبِ التَّقْرِيبِ وَهُوَ أَنَ الشِّرْكَ مُبْطِلٌ لِلْعِبَادَةِ كَمَ أَنَّ الْحَدَثِ مُبْطِلٌ لِلْطَّهَارَةِ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ بَطَلَ إِسْلَامُهُ وَدِينُهُ كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح ونحوها بطلت الطهارة. Cheikh Alain Abdurrahman, il a rapporté un tafsil intéressant sur ce point-là. Le fait, quand est-ce que c'est que l'adoration qui est annulée en tant que telle, ou quand carrément l'islam même, la personne est annulée. Revenez à la première, au premier audio du Sharh de Al-Qawl Arba' de Cheikh Khalid Abdurrahman. والسبب في هذا أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. ici ينشد إذا بغض شدة عصي الله به. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهذا فيه رد على القائلين بأخوة الأديان ووحدة الأديان وغير ذلك من الترهات، نعوذ بالله، فلا يمكن أن تدخل نفس الجنة إلا أن تكون مسلمة لله جل وعز. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc ici, Cheikh il dit, et donc ici il a cité l'exemple afin de rapprocher le sens. Et c'est que l'association annule l'action, comme le hadith annule la purification. Et donc quiconque commet quelque chose parmi les genres d'association, son islam et sa religion sont nuls. Comme celui qui commet l'un des annulatifs de la purification, comme l'émission d'un vent, etc., qui annule la purification. Et la raison de cela est que l'association est le péché le plus grave par lequel Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi. Alors là, le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate Al-Ma'ida, verset 72. Et alors là, le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate Nisa, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et il y a en cela une réfutation contre ceux qui parlent de fraternité des religions et d'unité des religions et autres calamités qu'Allah nous en préserve. Une âme ne peut entrer au paradis que si c'est une âme soumise à Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate Ali Imran, verset 85. Puis c'est encore une autre preuve. وفي الصحيح عند مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم فهل ذلك نافعه ومات على الجاهلية أي مات على الشرك فهل ذلك نافعه فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي لم يوحد الله ولم يؤمن بالله فلو قال ذلك لكان دليلا على إيمانه وعلى إسلامه لله جل وعلا. Et dans l'authentique de l'imam muslim que Aïcha, le Très-Haut l'agré, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ibn Jud'an préservait les liens de parenté dans la jahiliya, période pré-islamique, et nourrissait autrui. Est-ce que cela lui est utile alors qu'il était mort sur la jahiliya, c'est-à-dire qu'il était mort sur l'association, le shirk? Est-ce que cela lui est utile? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non, cela ne lui est pas utile qu'il n'ait jamais dit oh mon Seigneur, pardonne-moi mon péché le jour de la rétribution. C'est-à-dire, le cheikh l'explique, il n'a pas pratiqué l'unicité d'Allah, il n'a pas cru en Allah, car s'il l'avait dit, cela aurait été une preuve de sa foi et de sa soumission, islam, envers Allah le Très-Haut. الوجه الثالث أن الله عز وجل قد بين في كتاب العظيم خطر الشرك وحال أصحابه أي المشركين في آيات كثيرة تنبيها وتحذيرا من الوقوع في الشرك لأن يكون واقعه أو مقترفه من أهله والعياذ بالله فيحذرك جل وعلا أو يحذر المؤمنين من الوقوع فيها أو فيه حتى لا يكون مصيرهم مصير المشركين. قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رحمك الله. وقال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc, cher dit ici, le troisième angle, Allah le Très-Haut a mis en évidence dans son livre sublime le danger de l'association et la situation de ceux qui l'ont commise, c'est-à-dire les associateurs, al-mushrikoun, dans de nombreux versets afin d'attirer l'attention et de mettre en garde contre le fait de tomber dans l'association, afin que celui qui tombe ou la commet ne fasse pas partie de ces gens, qu'Allah nous en préserve. Et donc, Allah le Très-Haut te met en garde contre où ? Mais les croyants en garde contre le fait de tomber dans l'association, afin que leur destination ne soit pas la destination des associateurs. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est, dit: je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Soit le cas, verset 110. Et Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est: quiconque associe Allah à d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Surat al-Ma'ida, verset 72. Et Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est: ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. Surat al-Baqarah, verset 161-162. Et Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est: soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Surat al-Hajj, verset 31. Et Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est au sujet de Luqman: et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Surat Luqman, verset 13. Et d'ailleurs, ce soir, sur la radio de Dar al-Hijra, l'imam Malik, il y a un dars de Cheikh Abdel Hakim de Hasl al-Wahrani, qui était il n'y a pas longtemps en France, un Cheikh algérien recommandé par Cheikh Aoubaid. Je pense que c'est à minuit, heure de la Mecque, qui doit faire 21h, heure d'ici, qui s'appelle l'obligation ou joub tarbiyat al-awlad ala al-tawhid, obligation d'éduquer les enfants sur l'unicité. D'accord ? Qu'on continue. Et Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est: en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Surat Zumar, verset 65-66. وفي سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 من الأنبياء والرسل على نسق. وفي سورة الأنعام ذكر الله عز وجل 18 من أنبيائه ورسله في نسق، ثم قال بعد أن ذكر عنهم سبحانه قال في ختمها: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الوعيد متوجه أو منصب عليهم فما بال من دونهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويقول جل وعز: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في آيات كثيرة. وقال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح عند مسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ici en fait c'est Abdullah ibn Mas'ud qui a posé la question. Je sais pas si le tafrir fait comme ça ou pas, mais c'est dans le Sahih Muslim, Kitab al-Iman, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui pose la question au prophète عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم عند الله؟ Et le prophète صلى الله عليه وسلم répond: قال أن تجعل لله ندا وهو خالقك. Et dans la sourate Al-An'am, Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala a cité 18 prophètes et messagers dans un ordre, et puis après les avoir cités, Allah dit à la fin, selon la traduction du sens est: telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Sourate Al-An'am, verset 88. Et donc si cette menace était dirigée vers eux, qu'en est-il alors de ceux qui sont moindres qu'eux? Nous demandons à Allah le salut, la protection. Et Allah le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est: « Oh, vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. » Et c'est surat Tauba, verset 28. Et il dit, dont la traduction du sens est: « Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Surat Nisa, verset 48. Et ce, dans de nombreux versets. Et le noble prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, comme cela est rapporté dans l'authentique de Muslim, Kitab al-Iman, Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, et c'est un hadith, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis celui qui se passe le plus associé, quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. Et dans les deux authentiques que le prophète, alayhi salatu wassalam, fut questionné, et ça, j'ai dit, c'est qui questionne le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, arda. Quel est le péché le plus grave pour Allah? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, que tu donnes à Allah un semblable alors que lui t'a créé. Le wajh al-rabi' وجهك الشيخ أيها الطالب إلى أنه متى عرفت أن أهم ما عليك معرفته هو التوحيد وجب عليك والحالة هذه أن تعرف ضد ذلك والشرك بالله جل وعلا إذ كما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد فإن أعظم ما نهى عنه ماذا الشرك قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال وذلك تريد أن تعرف قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه فما سيذكره الشيخ هو مستقى من ماذا من كتاب الله جل وعلا فليس بدعا من القول إذن هذا المراد أن تعرف الحق بتفصيله وأن تعرف الباطل بتفصيله لتجتنبه. Quatrième angle, je pense que c'est le dernier, oui. Le cheikh t'a orienté, toi l'étudiant, vers le fait que si tu sais que le plus important t'est de connaître l'unicité, alors il t'est obligatoire, alors que la situation est telle quelle, de connaître le contraire de cela qui est l'association à Allah le Très-Haut. Car comme l'unicité est ce qu'Allah a ordonné de plus important, quel est le plus grave qu'Allah t'a interdit? C'est l'association à Allah. Il dit, alors tu sais que ce qui est le plus important pour toi, c'est de savoir cela dans l'espoir qu'Allah te sauve de ce filet qui est l'association à Allah au sujet de laquelle Allah le Très-Haut a dit, ce dont la traduction du sens est, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. C'est surat Nisa, verset 116, comme on l'a déjà dit. Il dit, c'est-à-dire qui, Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Hab, rahimahullah, et cela en. Tu veux savoir, Cheikh al-Bukhari, il dit, et cela en connaissant quatre règles. Et cela en connaissant quatre règles qu'Allah, le Très-Haut, a citées dans son livre. Et donc, ce que les Cheikh dit est tiré de quoi? Regardez, il a dit, Dakarahallahu ta'ala fi kitabih. Du livre d'Allah, c'est-à-dire que ces règles sont tirées du livre d'Allah, le Très-Haut, et donc ce n'est pas une parole inventée. Donc c'est cela, Cheikh il dit, donc c'est cela qui est voulu que tu connaisses la vérité avec son détail, et que tu connaisses le faux avec son détail, afin que tu t'en écartes. Et puis il cite un vers de poésie que je vous conseille de mémoriser, « Araftu al-sharra lal-sharri walakin » Ici, il y a un temps en plus, hein. On va retirer le. ولكن لأتقي من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Donc, عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقي من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. En français, ça donnerait: j'ai connu le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne sait pas différencier entre le bien et le mal, il tombe. D'accord? Et avec ça, on a fini le cours pour aujourd'hui. Et on suivra donc le cours prochain, Bidnillah, si tout va bien, c'est le dimanche maintenant, tous les dimanches, Inch'Allah, jusqu'à preuve du contraire. Et on commencera donc directement par la suite du matin qui est Al-Qa'idatul Oula, jusqu'à où on arrivera ce jour-là, Inch'Allah, d'accord? Wallahu alam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.